Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Tracer la voie. Quand les urbanistes imaginaient la rue. La rue est ancienne, antique même, elle est l'héritière pour son étymologie de la rugae latine, un chemin bordé de maisons. Oui, parce que sans les constructions de chaque côté de la voie, il n'y a pas de rue. En revanche, l'urbanisme est plus récent. Le mot pointe son nez au coin de la rue au XVIIIe siècle et prend le sens que nous lui connaissons aujourd'hui. À la fin du XIXe siècle, c'est l'ensemble des arts et techniques qui concourent à l'aménagement des espaces urbains. La rue, c'est un nom sur une plaque, mais pas seulement. C'est la voirie aussi, c'est tout ce qu'il y a dessous, les habitations. La rue, c'est un imaginaire et c'est un itinéraire. C'est la rue, là, hein? Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Eh oui, la rue Poliveau. Quoi, la rue Poliveau? Ben quoi? Il y a pas de mal à habiter la rue Poliveau, c'est une gentille petite rue. Une petite route, patron? Ah non, non, non! Je vous ai dit qu'on est pressé! Et ce soir, c'est pas la porte à côté, hein? C'est la rue Le Pic! Rue Le Pic? Vous m'aviez dit rue du Temps! Ouais, bah ça fait pas une grosse différence. Oh. Deux bornes. Ah ben, c'est pas rien de borne. Jambier, 45 rue Poliveau, c'est la traversée de Paris, le film de Claude Autant-Lara en 1956 avec Gabin, De Funès et Bourvil, ça fait rêver. Bonjour Éric Alonso. Bonjour. L'architecture de la voie, histoire et théorie. Vous écrivez un livre sur l'architecture de la voie, mais sur un temps très long. Vous repartez dans l'Antiquité. Alors je me permets de vous demander, quelle est votre définition d'une rue? C'est quoi une rue? Ben, une rue, c'est une catégorie de voies, hein, et je reprendrai la vôtre, hein, c'est une voie, un chemin bordé de maisons, associé le plus souvent à la ville. Oui, c'est ça, hein, il faut des maisons. C'est important de le souligner pour savoir de quoi on parle, parce que nous sommes dans un espace urbain. Sinon, on est sur quoi? Sur une route? C'est ça. Aujourd'hui, on a l'habitude de distinguer de manière assez franche la rue et la route, mais... Si on regarde un peu dans le passé, on s'aperçoit que cette distinction n'est pas si claire. D'abord parce que certaines voies ne sont pas à l'origine bordées de maisons et le deviendront. Oui, c'est ça. Hein. C'est cette histoire qui nous intéresse avec la question de l'évolution. Est-ce que vous avez noté sur cette très longue histoire une évolution de la perception de la rue? Oui, en tout cas la rue telle qu'on l'entend aujourd'hui, une rue chargée de valeurs urbaines et culturelles, la rue de la mixité, la rue pour le piéton, est une construction assez récente. Au départ, une rue est quelque chose, par exemple pour le piéton, assez hostile. Hein. C'est une rue, les rues sont étroites, encombrées, il n'y a pas de trottoir, on salit les pieds, c'est rempli de crottins de chevaux. Et donc c'est toute une construction progressive qui va avoir lieu et qui va permettre d'aboutir à cette représentation de la rue telle qu'on l'envisage aujourd'hui. Mais on trouve, hein, c'est vrai, très tôt, et on pense tout de suite à Pompéi, une réflexion sur l'aménagement de la rue. Hein. On pense à ces passages piétons qui laissent une place entre deux grosses pierres pour la roue de la charrue. Oui, c'est assez formidable. Dans l'Antiquité, on trouve déjà une conception de la rue très sophistiquée, avec le trottoir, qui est quand même une invention assez déterminante, qui est conçue pour régler le conflit potentiel entre les piétons et les voitures. Et on s'aperçoit très tôt que la question de la voiture va déterminer la forme de la rue. Alors quand je parle de voiture, c'est pas d'automobile, mais de voiture hippomobile. Et Pompéi est effectivement un bon exemple, avec les trottoirs, les portiques, et puis ces sortes de proto-passages piétons, avec ces grosses dalles comme ça, qui permettent aux piétons de passer d'un côté à l'autre. La rue, c'est un espace de contraste et de rencontre. Alors, rencontre de tout type de véhicules, de moyens de se déplacer. Vous l'avez évoqué, Éric Alonso, il y a les piétons et les voitures. Tout type de voitures, les voitures hippomobile. C'est en cela aussi que nous avons une représentation de la rue qui est, alors là, très codifiée. Il y a l'espace pour les voitures, l'espace pour les piétons. Ben non, ça c'est pas quelque chose qui, sur le temps long, est valable. Non, c'est vrai qu'au départ, tout ça est mélangé. Mais on va très tôt s'employer à les distinguer pour assurer la bonne circulation de chacun des flux. Et ce qui va beaucoup aider, étrangement, ce n'est pas la ville, c'est le jardin. Puisque On va, d'ailleurs, au XVIIIe siècle, dans son traité, dans son essai sur l'architecture, l'abbé Loger dira « Il faut regarder la ville comme une forêt, les rues de celle-là sont les routes de celle-ci ». Parce que le jardin était le lieu où on s'est beaucoup posé la question du déplacement, du cheminement du piéton par des espaces dédiés que sont les allées. Et c'est l'importation de l'allée dans les villes à partir du XVIIe, XVIIIe siècle qui va donner les grands modèles d'avenues, de boulevards qui finiront par être des rues puisque bordées par des maisons. À quel moment on voit apparaître cette idée d'urbanisme? Je disais, hein, le mot vraiment pointe son nez au XVIIIe siècle, mais là aussi c'est très difficile à identifier. Les pouvoirs publics ont toujours pris en compte cet espace très particulier, celui qui permet aux gens de sortir de leur habitation et se déplacer à l'intérieur de la ville, c'est une rue. Oui, l'art de bâtir les villes est une science ou une discipline assez ancienne qu'on trouve beaucoup dans les traités d'architecture d'ailleurs. On le trouve aussi dans toutes les politiques d'aménagement des villes ou de gestion dès l'époque romaine. Comme vous le disiez, ça se précipite un peu au XVIIIe siècle, poussé par des questions d'embellissement, d'hygiénisme. Hein, et puis ça se cristallise au XIXe siècle avec l'industrialisation. Et où là, la question de l'urbanisme, c'est essentiellement comment étendre les villes et quelle forme donner à cette extension des villes qui avaient énormément grossi et qui étaient reliées entre elles par le chemin de fer. Oui, et puis, faut le rappeler sans cesse, les encombrements, c'est quelque chose de très ancien. Avec des voitures à cheval, pareil, hein, il y a des embouteillages. Et puis, il y a toujours des piétons. Dans cette histoire, ce qui peut nous intéresser aussi, c'est... cette ville piétonne, c'est le titre de votre ouvrage, Cédric Ferriel. Bonjour. Bonjour. La ville piétonne, c'est une idée qui tout de suite interpelle, parce qu'on se dit, mais la ville n'est pas seulement piétonne, elle ne l'a jamais été seulement, mais malgré tout, les piétons étaient toujours là. Vous arrivez, vous, à identifier un moment où on s'est dit, mais il faut quand même laisser un peu de place aux piétons dans cette ville. En fait, on pourrait dire que la ville piétonne, en fait, elle n'est pas forcément là où on la cherche. On a tendance à la chercher soit dans le passé, par exemple des références médiévales, un peu idéalisées, soit parfois aujourd'hui dans les débats, dans un tournant environnemental du 21e siècle. Et la ville piétonne, c'est plutôt un héritage, on ne l'attend pas, un héritage moderne, de l'urbanisme moderne des années 40, 50, où on invente... dans les débats entre architectes modernes, cette idée d'un centre-ville dédié aux piétons, qui a une valeur politique, qui a une valeur sociale. Donc c'est une invention, c'est un héritage moderne. Et voilà, héritage moderne. D'ailleurs, c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites, avec aujourd'hui cette idée d'un centre piéton. Quant au XVIIe, XVIIIe siècle, et puis encore plus au XIXe, le piéton, c'est un peu ces anciens remparts détruits, ce sont les boulevards, parce que l'invention du boulevard, c'est quelque chose de très fort, Éric Alonso. Oui, tout à fait. On ménage l'espace pour les piétons plutôt là où on a la place, à la périphérie de la ville, et notamment sur les boulevards, et au tournant de fin XVIIe, début XVIIIe siècle. Et les boulevards, contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui, c'est un terme militaire qui veut dire des remparts. Hein. Et d'ailleurs, à Paris, c'est sur l'enceinte de Charles V et de Louis XIII qu'on aménage les boulevards. Et au départ, il ne s'agit pas du tout de rues. Et d'ailleurs, c'est même pas connecté, ils sont assez peu connectés au réseau des voies, puisqu'il s'agit de reprendre les talus des anciens remparts. Et donc, c'est essentiellement des espaces dédiés à la promenade et à la contemplation du paysage et de la campagne environnant la ville. On a ça partout, hein, dans toutes les grandes villes de France, bien sûr, et d'Europe. C'est vrai que le modèle parisien est exceptionnel parce que ces grands boulevards sont restés, mais dans toutes les villes, en fait, on retrouve ça. Hein. Dès qu'on a détruit les remparts, on a créé des boulevards. Dans ce que vous nous dites là, il y a quand même, dans l'idée de se déplacer en ville, la promenade. Il y a la promenade et le déplacement pour l'utilité. C'est pas la même chose, hein, Cédric Ferriel, pour les piétons. Effectivement, en fait, on pourrait voir une histoire qui n'est pas seulement une histoire de l'urbanisme, mais aussi une histoire sociale. On pourrait dire aussi un peu de qui établit les normes de l'urbanité, qui établit le contrôle sur la ville. Et en fait, la promenade, ça s'était étudié par Laurent Turcot, la promenade, quand elle s'établit au XVIIe siècle, et dans ses prolongements du XVIIIe siècle, effectivement, elle est plutôt à l'extérieur de la ville. À Paris, ça va être les Tuileries, le cours La Reine, puis les boulevards. Ça montre la domination de l'aristocratie dans les normes de la ville. Puis, au XIXe siècle, le boulevard, mais cette fois-ci inclus à l'intérieur de la ville, c'est le lieu de normes bourgeoises de la ville, dans le Paris haussmannien, de mise en scène de cette bourgeoisie. Et en fait, dans le travail que j'ai mené sur la piétonnisation, justement quoi, sur ces années 50, 60, 70, une des hypothèses, c'est de dire que... c'est, vous auriez ici la définition de ce qu'est la société de masse et peut-être de la classe moyenne, alors certainement idéalisée dans ses valeurs, ou en tout cas les valeurs qu'on voudrait porter derrière, démocratie, égalité, un espace assez peu politisé, il faut avouer, hein, il n'y a pas de statuaire politique dans les espaces piétonniers en particulier, en tout cas ils ne sont pas créés spécifiquement pour ça. Donc une sorte comme ça de glissement de qui norme et qui contrôle l'espace de la ville. Qui norme et qui contrôle, c'est ça aussi l'urbanisme. Hein. Eric Alonso, qui norme et qui contrôle? On pense tout de suite au pouvoir, mais non, c'est pas obligatoirement le pouvoir qui décide. C'est un univers avec tellement et tellement d'acteurs, et beaucoup de privés d'ailleurs, hein, pour imaginer des rues. Oui, alors effectivement, on a fait des rues, il y a des rues de fées, hein, la plupart d'ailleurs des rues sont des rues qui sont le produit comme ça du temps et de l'histoire, sans être le résultat d'une pensée et d'une intention formalisée précédemment. On peut malgré tout suivre l'idée de cette histoire des doctrines, c'est-à-dire toutes les fois où on a penser des rues. Alors moi, une représentation assez fascinante, l'une des premières fois où l'on a le plan et le profil d'une rue dans un traité d'architecture, c'est le traité de Pierre Patte, qui s'appelle d'ailleurs « Mémoire sur les objets les plus importants de l'architecture ». Et là, on voit pour la première fois, on est à l'époque de l'encyclopédie, hein, on voit pour la première fois une rue qui est représentée comme un objet de l'architecture, à savoir en plan et en coupe, et il s'agit de justement d'en mesurer d'en définir les qualités, les mesures pour assurer le passage des piétons, la circulation, le passage de l'égout, le recueil des eaux, etc. Dans votre ouvrage L'architecture de la voie, histoire et théorie, alors histoire c'est au singulier et théorie c'est au pluriel, publié chez Parenthèse, il y a énormément d'illustrations, mais les sources abondent entre les représentations de plans de ce qui existe déjà et tout ce qui est rêvé, fantasmé, prévu. Alors, il y a ces deux voies-là, sans jeu de mots. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'étais intéressé par mettre beaucoup de représentations parce que mon livre qui concerne la voie, au-delà même de la rue, est souvent, on associe souvent le monde de l'univers technique. Et je voulais montrer que ça a donné lieu à des représentations équivalentes à celles des autres édifices. Et puis, il y a toujours cette différence entre la ville que l'on pratique à un moment donné et la ville qu'on rêve. Et depuis très longtemps, depuis la fin de la Renaissance, enfin depuis la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, on rêve des rues droites, alignées, etc. Mais on n'a pas les moyens de les faire immédiatement. C'est un projet de fond et sur la durée. Et on peut considérer que les travaux du 19e siècle, notamment les travaux haussmanniens, vont être un peu l'aboutissement de toute une intention qui n'avait trouvé jusqu'alors à se manifester que dans les traités et quelquefois dans les jardins. Eh bien, petit tour dans le Paris d'Haussmann, mais alors avant Haussmann. Les encombrements font maintenant partie intégrante du décor de la rue parisienne. Les omnibus au type multiple n'en sont pas les moindres responsables. Ils sont exploités par une poussière de compagnie mal coordonnée. Près de 15 types différents, tels que les dames blanches, les citadines, les béarnaises, les tricycles, s'emploient en vain à satisfaire la demande grandissante d'usagers. Aussi, tant des gares que des barrières de l'octroi, le ravitaillement arrive-t-il mal jusqu'à un système central de marché vétuste. Marché des innocents, à l'aubeur. Marché des prouvaires. Paris et les transformations d'Haussmann en 1951, une archive vétuste un petit peu elle aussi, avec tout ce charme d'un regard porté. Alors c'est intéressant d'imaginer que c'est en 1951, on regarde cette ville, en l'occurrence Paris, au 19e siècle, mais on parle de Paris. Et là encore, c'est toute la France. Le caractère médiéval de ces rues est resté. Eric Alonso, ces rues médiévales n'étaient pas nées de plans préconçus. Elles répondaient à des nécessités, à des besoins, à des évolutions de la ville. C'est de cela dont sont les héritiers, les hommes, les femmes du 19e siècle, avec peut-être cette volonté que ça change un peu. Oui, oui, tout à fait. La plupart des rues sont des rues de la ville héritées. Mais comme le disait Cédric Fériel, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 19e siècle, quand on constate et quand on peut observer les modifications que l'on peut enfin opérer sur les rues, on commence à être un peu nostalgique et on commence à idéaliser ces rues du passé. Notamment, il y a un des premiers traités d'urbanisme, celui de Camille Ozite, l'art de bâtir les villes, 1889, qui va comme ça regarder ce qu'on a perdu dans cet élargissement des voies, dans cette mise en symétrie, etc. Et va s'appuyer sur ces rues anciennes des villes médiévales et de la Renaissance allemande et italienne pour essayer d'en dégager des règles qui pourraient présider à la conception des nouvelles voies. C'est-à-dire, on se met à se dire, mais peut-être on les a trop élargies, il faut des espaces un peu plus resserrés, plus proche du corps et des proportions. Dans ces rues médiévales qui ont un charme mais absolu, on s'en rend compte quand on va visiter des villes qui ont gardé ce caractère-là, Cédric Fériel, malgré tout, on oublie un peu l'inconfort de ces rues-là, hein, où le pot de chambre était jeté par la fenêtre, hop, fallait faire attention au moment où l'on passait, où c'était des chevaux, donc le sol était un petit peu cracra. Ça, on l'oublie hein, dans ce fantasme, dans cette reconstruction de la rue médiévale. En fait, je dirais que sur la thématique de la ville piétonne, je distinguerais en fait l'idéal de la ville piétonne et l'histoire de la représentation de la rue. L'idéal de la ville piétonne, en fait, il s'est construit d'abord contre la rue dans les théories de l'urbanisme moderne dans les années 40-50. C'est d'abord par négation de la rue. Et on va réfléchir, ça fait partie d'une sorte de cinquième fonction de l'urbanisme. On parle toujours de la ville fonctionnelle qui reposerait sur quatre fonctions, dont on parle toujours avec Le Corbusier. Il y a un congrès d'architecture moderne qui se tient en 1951, donc après-guerre, qui lui va réfléchir à la notion de cœur de ville. Enfin, c'est une traduction qu'on pourrait proposer en français. La notion de cœur de ville, c'est d'abord une sorte de plateau piétonnier qui accueille les fonctions politiques et sociales de la ville. C'est pas une rue, du coup, ça ressemble plutôt à une place, initialement. Et il y a un acteur qu'on oublie, parce qu'on parle beaucoup d'urbanistes depuis le début, c'est les sociétés urbaines et les politiques. Et en fait, vous avez un glissement. Ce cœur de ville piétonnier, ça, on le voit dans tout ce qui est politique d'État, type les villes nouvelles au Royaume-Uni, la reconstruction dans plusieurs pays. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi quand même des sociétés urbaines. Il y a aussi les habitants sont d'abord dans des villes avec des hommes politiques. Et vous avez un glissement comme ça dans lequel des maires et des sociétés urbaines veulent s'inspirer de ce qui a été fait dans des villes reconstruites. Sauf qu'eux, ils ne peuvent pas raser leur centre-ville. Et donc, ils vont adapter cet idéal d'un plateau piétonnier très idéalisé. Et en fait, ils vont le faire glisser vers la rue. Mais du coup, c'est une rue dans laquelle tout est idéalisé, il n'y a plus, elle ne ressemble pas du tout à une rue médiévale. L'architecture est peut-être médiévale sur les côtés, ou moderne, mais tout a été absolument idéalisé et plutôt moderne dans sa première version. Il y a différentes manières de piétoniser, et la première manière de piétoniser les villes, c'est d'abord pour les moderniser. Oui, c'est ça, hein, c'est ce regard ancien pour moderniser les villes. Oui, moi je souscris tout à fait à cette hypothèse qu'en fait, piétonisation et rue ne se superposent pas complètement, puisque Cédric Fériel soulignait le rôle important que les congrès internationaux d'architecture moderne, qui étaient ces grandes réunions qui réunissaient un peu la jet set des urbanistes modernes, et il y en a eu une extrêmement importante en urbanisme, c'était le quatrième Siam de 1933 qui s'occupait d'urbanisme et qui a donné lieu à la fameuse charte d'Athènes qui a indiqué un petit peu les différents mots d'ordre pour la ville moderne. Et donc, au cœur de cette charte d'Athènes, c'est la séparation du circulé et de l'habité. Et là, c'est la condamnation de la rue. Tout ça avait été d'ailleurs précédé par les mots d'ordre de Le Corbusier qui, en 29, disait « il faut tuer la rue corridor ». Hein, il parlera de mort de la rue. Et dans la charte d'Athènes, il est écrit « La maison ne sera plus soudée à la rue par son trottoir ». Le modèle de la rue apparaît alors comme véritablement archaïque. À la fois, c'est une contrainte pour la circulation qui est coincée à devoir passer entre les maisons, et c'est une nuisance pour les habitants qui doivent souffrir de la pollution et du bruit. Et donc, effectivement, par la séparation fonctionnelle, on arrive à du tout piéton, à un moment donné, qui a comme corollaire le tout automobile. Et tout ça correspond effectivement à la condamnation de la rue. Dans cette idée de réfléchir aux différentes fonctions des espaces urbains, il y a cette charte d'Athènes. On est dans les années 1930, c'est ça ? Alors voilà, la charte d'Athènes, le congrès dont la charte est issue, a eu lieu en 1933 sur un bateau allant partant de Marseille et se dirigeant vers Athènes, c'est d'où le nom. Et la charte d'Athènes elle-même, qui est la conclusion de ce congrès, paraît tardivement en 43, la première édition. Ouais. Mais ça paraît donc pendant la guerre, et donc son audience sera plus forte à sa réédition en 57, où là on est dans toute la période de la reconstruction, où on peut considérer que les thèses de l'urbanisme fonctionnaliste vont devenir dominantes dans la pratique. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi, précisément dans ces années 1930, il y a cette réflexion sur qu'est-ce que la rue, à qui laisser la place, où mettre les voitures, où mettre les piétons? Parce qu'il y a ce phénomène majeur, hein, cette fois-ci c'est l'automobile. C'est ça. En fait, je distinguerai deux périodes. Il y a dans les années 30 la réflexion sur la condamnation de la rue, une sorte de rupture. En fait, on condamne la ville. Il y a un procès qui est aussi assez... politique est presque un procès de société qui est fait. C'est la ville industrielle menée par le capital, par la propriété privée, par les intérêts privés. Et les urbanistes des années 30, ils appellent finalement à un pouvoir supérieur. Alors, probablement, l'urbaniste est l'inspirateur du pouvoir supérieur, l'éminence grise du pouvoir supérieur, mais appelle à un pouvoir supérieur qui reprendrait en contrôle le foncier pour transformer la ville. Et il y a une deuxième période, celle qui est peut-être la moins connue en France, parce que dans les pays anglo-saxons, on la documente mieux. C'est ce qu'ont fait ces urbanistes pendant la guerre. Et il y a des échanges, notamment dans le monde anglo-saxon, dans lesquels ils se rendent compte que la ville purement fonctionnaliste, qui se résume à travailler, habiter, circuler, et quand on a un peu de temps libre, se recréer plutôt, ça n'est pas suffisant. Ça va mener, en fait, il y a une sorte de double constat. En Europe, le basculement vers la Seconde Guerre mondiale dit qu'il y a un problème de société, voire de civilisation. Et l'autre exemple qui pourrait exister, ça serait l'Amérique du Nord. Et c'est exactement le moment dans les années 30 où on dit la ville américaine, ça ne peut pas être l'avenir de l'urbain. L'étalement urbain, la fuite des centres-villes, la crise des centres-villes. Et c'est un peu dans cet espace transatlantique qu'on va idéaliser par des regards croisés. Les Américains ont tendance à se référer à la ville historique européenne. Les Européens regardent vers les États-Unis tout en étant un peu déçus de ce qu'ils y trouvent. Et il y a cette idée qu'il faut retrouver ce qui fait le fonctionnement d'une ville. Et c'était ce congrès d'architecture dont je parlais en 1951, avec cette thématique qui a eu beaucoup de mal à faire adhérer une partie des architectes, notamment Le Corbusier. Cette idée de cœur de ville comme une sorte de cinquième fonction de l'urbanisme, qu'elle ne sera jamais, hein. Elle n'aura jamais ce statut-là, mais essayer de faire quelque chose qui redonne sens à la ville. On n'est pas encore sur la rue. Oui, on n'est pas encore sur la rue. C'est pour ça que je dis que le glissement, il se fait en plusieurs étapes, et ça va être plutôt seulement dans les années 70, quand on condamnera en partie toutes ces théories modernistes, qu'on va réidéaliser la rue. Sauf que le modèle, en revanche, d'un espace dédié aux piétons, lui préexiste, on va tout simplement le réintroduire dans la rue. Alors, donc, l'Europe regarde vers les États-Unis et les États-Unis regardent vers l'Europe et tout le monde se regarde de tous les côtés. Il y a quand même un petit coup d'œil vers l'Allemagne avec le Bauhaus, un mouvement aussi de réflexion complet parce que, faut le rappeler et le dire sans cesse, la rue, ce n'est pas simplement la voie où circulent les voitures, le trottoir où circulent les piétons, c'est un ensemble. Il y a les bâtiments autour, enfin, sinon il n'y a pas de rue. Bien sûr, et d'ailleurs ce qui motive les congrès internationaux d'architecture moderne, c'est ce rapport à l'industrie. C'est de se dire, tiens, comment on pourrait mettre à profit cette rationalisation à l'œuvre dans l'industrie, que le Bauhaus traite sur toute une série de champs de la production, d'objets, etc. Comment on peut le mettre en œuvre dans le champ de l'urbanisme. Et une des principales raisons de la condamnation de la rue explicite à l'époque, c'est effectivement l'apparition de l'automobile. Et l'apparition de l'automobile comme mouvement mécanisé, selon Le Corbusier, a introduit dans les rues une véritable menace de mort, du fait de cette vitesse accrue. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'apparition de la locomotion mécanisée s'est faite en deux temps. On a oublié qu'avant l'automobile qui se répand dans les rues à partir des années 1910, en gros, là où ça devient tangible, et c'est Paris qui est le berceau de l'automobile. On a oublié que l'apparition de la locomotion mécanisée, c'est le chemin de fer, 1830, Liverpool-Manchester. Et donc il y a une période passionnante des premières périodes de l'urbanisme, du proto-urbanisme, on va dire, qui est cette période 1830 et 1910, où la locomotion mécanique existe, mais elle n'est pas dans les rues. Mmh. Et, Et là, c'est une période très foisonnante où, notamment, il y a une figure très majeure qui est l'urbaniste de Barcelone, Ildefonso Cerdán, auteur du plan d'extension de cette ville autour des 160, fondateur de l'urbanisme, selon l'historienne François Chauet, à travers son livre Théorie générale de l'urbanisation, qui considère, lui, que c'est une période de transition, cette période du 19e siècle. Puisque il se dit que cette locomotion mécanique qui s'arrête aux portes des villes, à travers les gares, va un jour ou l'autre rentrer dans les rues. Et que le fait que les rues soient encore peuplées en pleine époque d'industrialisation d'une locomotion purement animale, c'est vu comme une sorte d'archaïsme et de choses complètement anachroniques. Et donc il va y avoir toute une série de réflexions sur la rue, encore basé sur les voitures hippomobiles, mais qui va tirer les enseignements de la locomotion mécanisée. Toutefois, ça sera quand même autre chose quand arriveront vraiment les automobiles, où là, ce qu'on espérait pouvoir concilier au 19e siècle sera de moins en moins conciliable ou perçu comme tel, en tout cas. Oui, parce que les voitures sont là et elles envahissent l'espace. Dans cette histoire-là, il y a ces grandes figures que vous évoquez l'un et l'autre, avec un nom qui revient sans cesse, Le Corbusier. En France, le parc des logements était lamentable. Les maisons vétustes et insalubres n'étaient pas entretenues par des propriétaires qui, souvent, voyaient les locataires déguerpir à la cloche du bois sans régler les arriérés de loyer. C'était la crise. La banlieue de Paris était couverte de cabanes dans la zone s'entassaient de misérables familles. C'est alors qu'un jeune architecte, Le Corbusier, ayant travaillé en Suisse et adepte du Bauhaus, proposa dès 1925 des solutions aux problèmes de l'habitat. Pour lui, la maison devait être une machine à habiter. C'était l'époque où les philosophes comme les artistes croyaient à la libération de l'homme par la machine. Le Corbusier construisit d'abord des maisons individuelles, sobres de lignes et munies du confort le plus moderne. Puis, bien des années plus tard, la cité radieuse. Parti d'une idée généreuse et souvent géniale dans sa réalisation, Le Corbusier fut copié et mal copié, en France en tout cas, par des tâcherons qui ont transformé un rêve humanitaire en un enfer quotidien. À l'enfer quotidien, c'est l'émission aujourd'hui, madame, en 1978. Quelle est la vision qu'a cet architecte de renom, Le Corbusier, de la rue? Comment il l'imagine? Oui, alors bon, Le Corbusier a tout dit et son contraire. Il a même fait un petit livre au début de sa carrière, inspiré de Camille Ossit, où il faisait l'éloge des rues des villes anciennes. Mais grosso modo, Le Corbusier considère effectivement que la rue est inadaptée parce qu'elle est ce qu'il il appelle héritière, il la voit comme héritière du chemin des ânes, c'est-à-dire le fait que ce soit une rue qui ait été conçue à une époque où l'automobile n'existait pas. Rend pour lui la rend caduque aujourd'hui, voilà. Et donc il a d'ailleurs la dent dure contre tous ces urbanistes qui continuent encore dans les années 20, dans les années 30 à essayer de trouver une manière de concilier la rue, les rues et les places des villes anciennes à l'automobile. Il y a par exemple un urbaniste important, architecte urbaniste Eugène Hénard, qui intervient juste après les travaux d'Haussmann, qui imagine comme ça comment on peut concilier les rues et les places haussmanniennes à l'automobile avec l'invention du carrefour giratoire, par exemple. Et tout ça, Le Corbusier pense que c'est un pis-aller et qu'il faut repartir, qu'il vaut mieux repartir de zéro et concevoir une voirie dédiée à l'automobile et pouvoir libérer l'habité de l'astreinte de cette présence de la circulation. Voilà, le giratoire qui connaît un beau succès. On va dire en ce moment du rond-point au giratoire, hein, c'est un de vos ouvrages, Éric Alonso. Dites-nous, Cédric Ferriel, quelle place pour le piéton dans la rue imaginée par Le Corbusier? Il a sa place là-dedans? En fait, le piéton, dans les théories de Le Corbusier, alors comme la rue fait pas vraiment partie du projet de ville de Le Corbusier, alors paradoxalement, quand même, sa ville donne une place au piéton, puisqu'il le dit dans ses écrits, il faut que la ville soit parcourable dans une temporalité raisonnable, donc il ne faut pas qu'il y ait un étalement urbain trop important. Et donc vous avez toute une voirie piétonne qui est parallèle à celle qui est dédiée à l'automobile. Mais c'est la stricte séparation entre les deux. Ah, séparation, parce que c'est vraiment ça aussi, hein, que l'on voit apparaître, on va dire de plus en plus après la Seconde Guerre mondiale maintenant, cette séparation entre des rues dédiées, bah, pour les piétons, c'est formidable, et des rues, alors là, ce sont des rues qui prennent des noms divers, hein, des voies, des artères, n'importe quoi, mais pour les voitures. Il y a ces deux espaces-là, en fait, dans cet imaginaire. C'est ça, c'est en fait il y a dans l'organisation de la ville pour qu'elle soit fonctionnelle, il faut aussi que les circulations ne se coupent pas entre elles, donc qu'elles soient séparées, que ça soit verticalement ou horizontalement, en tout cas il faut les séparer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, qui fera partie après de la condamnation du mouvement moderne sur cette manière de séparer toujours les circulations. Faut le faire, hein, quand même, parce que c'est pas évident. On l'a bien évoqué, il y a des moments en particulier. Les travaux d'Haussmann, il a fallu détruire la ville. Par le passé, le grand incendie de Londres en 1666 avait permis de refaire une ville parce qu'il n'y avait rien. Les destructions après la Seconde Guerre mondiale. Pour un urbaniste, entre réfléchir à la ville et l'appliquer dans le concret, bah, y a un pas à franchir qui est gigantesque, hein. C'est pas facile. Bien sûr, il faut les circonstances. Hein. Haussmann se donne les moyens d'exproprier, mais la plupart du temps, on fait effectivement la ville à l'occasion, suite à des bombardements, à des incendies, ou alors dans des phases d'extension. Des phases d'extension, et puis il y a parfois aussi l'occasion, et c'est complètement improbable, d'imaginer une ville dans son ensemble. Vous avez évoqué, Eric Alonso, cette extension à Barcelone, l'Eixample, ce quartier avec ce plan en damier. Hein, bah, autant construire une ville entière comme ça. Pour tourner son nouveau film, Os Bandeirantes, autrement dit Les Pionniers, le metteur en scène Marcel Camus a trouvé au cœur du Brésil un cadre à la taille de l'entreprise. Le plus extraordinaire chantier qu'on puisse rêver, celui d'une capitale que l'homme a décidé de créer de toutes pièces, Brasilia. Les principaux éléments du décor sont plantés. Les 28 étages des deux buildings administratifs, dominant la coupole concave du Sénat et la coupole convexe de la Chambre des députés. La résidence présidentielle, le palais de l'Aurore. Les blocs d'habitation, chaque bloc est prévu pour 4000 habitants. Pour cette capitale de l'avenir, les bâtisseurs ont imaginé la cathédrale de l'avenir. Les murs seront en verre. Et des églises dont l'architecture s'inspire des styles les plus avant-gardistes. Ainsi, une cité qui représentera le stade le plus avancé de l'urbanisme moderne a pris forme. Là où il n'y avait, voici 3 ans, qu'une étendue déserte est née au bord de son lac artificiel, la nouvelle capitale du Brésil. La nouvelle capitale du Brésil, c'est Brasilia en 1960 dans le journal des actualités françaises. Eric Alonso, vous êtes architecte, professeur à l'école d'architecture, c'est à Paris-Est, hein, Marne-la-Vallée, et vous publiez l'architecture de la voie, histoire et théorie. Et quand vous réfléchissez à cette architecture, eh bien là, d'un coup, il y a ce moment Brasilia où tout peut être imaginé. Nous sommes dans les années 1960 et tout à fait en reprenant tout ce qui a été pensé durant le siècle. Quelle place pour la rue ici ? Bah, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que c'est la plupart des doctrines forgées par les avant-gardes dans les années 20 et 30 ne trouvent pas à cette époque-là l'occasion de se réaliser. Et l'occasion sera plutôt effectivement dans ces époques-là, avec certaines villes nouvelles, Brasilia, Chandigarh, etc. Il y en a plusieurs à cette époque-là qui permettent d'accomplir le modèle pur, hein, partir de zéro et imaginer une ville où tous les flux sont dissociés et hiérarchisés. Mais le paradoxe, comme le soulignait Cédric Ferriel, c'est que c'est aussi à cette époque-là, des années 50-60, autour du 8e Siam d'Odesdon, qu'on commence à douter aussi de cette ville produite par la séparation. Et qu'on commence à vouloir essayer aussi de retrouver la rue. Alors, dans ces congrès internationaux d'architecture moderne, il y a un groupe qui commence à se constituer, qu'on va appeler le Team 10, hein, puisqu'ils sont 10. Et ils vont avoir l'occasion d'exprimer leur idée à travers la construction de Toulouse-le-Mirail, qui est aussi, dans les années 60, une ville nouvelle à côté de Toulouse. Et là, s'opère, en tout cas dans les discours, une critique de l'abandon de la rue. Mais Candilis, qui dirige c'est le principal architecte de ce projet, va dire « Ok, on ne peut pas revenir sur la rue corridor dénoncée par Le Corbusier, mais par contre, il faut essayer de retrouver la fonction rue. Et à partir de là, on va commencer à rechercher des choses assez hybrides liées à la mégastructure. C'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver un frottement des lieux d'interface entre l'habitat et la voirie, mais sans remettre en cause la séparation fonctionnelle. C'est-à-dire que les voitures vont commencer à vont continuer à être à passer par ailleurs, par en dessous. C'est l'urbanisme de Dalle, à côté. Et on va pouvoir essayer de recréer ou de réimaginer cette rue qu'on avait abandonnée. Et du coup, ce qui est paradoxal, c'est que finalement, cette réintroduction de la rue se fait grâce à la séparation fonctionnelle. Dans cette séparation fonctionnelle, c'est vrai que vous le dites bien, il y a les dalles, donc les voitures elles passent en dessous. Hein. La Défense, c'est tout à fait ça, et on en trouve un peu partout, des dalles. Ou alors autour. Mais alors, le piéton, lui, il prend plus de place que ce qu'on lui laissait auparavant. Cédric Ferrial, avant, il avait le trottoir, au mieux, si ça existait. Maintenant, qu'est-ce qu'il a ? Je ne sais pas si on peut dire qu'on lui laisse plus de place dans la ville de manière générale, c'est qu'on lui accorde une autre place. Ce qui, moi, m'intéresse dans ces théories qui émergent dans les années 40-50, c'est que finalement, le piéton n'en parle peu. Ce sont beaucoup des théories sur comment la ville peut survivre à l'industrialisation, comment elle peut survivre à l'évolution, à la modernisation, et tout ce que je disais sur cette fonction d'un centre-ville piéton. En fait, on parle beaucoup de la nécessité qu'il y ait un centre où les gens se rencontrent. Mais ce qui fait réellement le piéton n'est quasiment pas décrit dedans. Ses actions ne sont pas réellement décrites. C'est vraiment très idéalisé, cette fonction. C'est peut-être parce que ce sont d'abord des urbanistes et des architectes donc qui réfléchissent à la forme urbaine qu'ils doivent produire. Mais il y a deux choses qui me paraissent saisissantes. On décrit très peu le piéton. Et surtout, il y a une des thématiques qui aujourd'hui est revenue en force dans l'urbanisme, c'est la marche en ville. On en parle beaucoup dans les projets à Paris, dans les projets à New York. La marche en ville est vraiment quelque chose qui est devenu très important. Les politiques de piétonnisation des années 50 jusqu'au début des années 2000, la thématique de la marche est quasiment absente, surtout dans les années 50, 60, 70. Non seulement on n'en parle pas, mais on fait même quasiment tout pour que le piéton n'ait pas à marcher dans ces espaces piétonniers. Donc je vais être très concret. Hein, quand on piétonnise des villes, que ce soit en France ou aux États-Unis, en Europe, vous avez toujours cette idée, d'accord, on piétonnise. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour que les piétons n'aient pas à se fatiguer dans ces espaces piétonniers ? Et donc, il y a quelque chose qu'on a un peu oublié, mais qu'on retrouve facilement sur les reportages de l'époque ou sur les photographies. Ces petits trains électriques qui passaient dans des rues piétonnes. Il y en a eu un à Lyon pendant un moment. Il y en avait un à Munich, me semble-t-il. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont développées pour qu'on n'ait pas à marcher dans les espaces piétonniers. Oui, qu'est-ce qui se passait-il en ce moment à Grenoble ? Nous sommes dans les années 1960. Oui, il y a de plus en plus d'espaces piétonniers. Madame, vous êtes commerçante. Que pensez-vous de cette mesure ? Elle serait très bonne à une condition qu'il y ait un parking à proximité du centre. Ben, je suis chauffeur de camion chez DML, mais je dis que la circulation devient impossible à Grenoble. On laisse garer un peu des deux côtés, vous voyez. Alors s'ils s'amènent deux véhicules l'un en face de l'autre, c'est impossible de passer. Alors pour les livreurs, comme pour nous, c'est embêtant. Ah, vous êtes pour ? Et je suis pour, oui et non. Parce qu'il y a des endroits où on peut se garer, d'autres endroits on ne peut pas. Ça vous gêne cette mesure ? Ben naturellement, j'ai eu les voisins faire d'éclair aujourd'hui, et je ne peux pas passer, je suis obligé de me garer place Saint-André, au lieu de livrer directement sur votre client, quoi. Alors comment vous allez faire, transporter ça à pied ? Eh bien oui, c'est pas gros, heureusement, mais enfin, ça pourrait être plus gros. Il me semble que c'est déjà assez compliqué pour rouler en ville et qu'à mon avis ça complique la circulation pour un automobiliste et ça provoquera des embouteillages. Et quand vous avez quitté votre voiture, que vous êtes un piéton, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben là je suis plus du même avis. On était en 1963, j'insiste sur la date parce que les arguments traversent sans problème les décennies. La ville piétonne, une autre histoire urbaine du XXe siècle. Cédric Ferrial, vous avez mis un point d'interrogation sur une autre histoire urbaine du XXe siècle. C'est publié aux éditions de la Sorbonne avec effectivement un autre regard parce que l'historien de l'urbanisme, vous enseignez à Rennes 2, porte souvent, et c'est vrai longtemps quand on fait l'histoire urbaine, c'est les aménagements pour laisser passer les voitures, pour aller plus vite et pour favoriser l'approvisionnement des villes. L'histoire piétonne, c'est un renouveau, c'est-à-dire c'est un nouveau regard porté sur un objet qui a été un peu laissé de côté. Effectivement, on peut aussi voir le travail sur la ville piétonne comme une manière de compléter l'écriture de l'histoire urbaine au XXe siècle, qui notamment en France, mais pas seulement, aussi par exemple au Royaume-Uni, qui sont des pays très centralisés, a beaucoup donné de place sur l'après-1945 à une histoire de l'action de l'État sur la ville, comme si l'État était... Alors, j'exagère forcément un peu mon propos, mais comme si l'État était l'unique aménageur de la ville. On utilise même, les historiens utilisent les mots de l'État pour décrire. C'est reconstruction, grands ensembles, ville nouvelle, secteur sauvegardé, politique de la ville. Et ça a conditionné aussi en partie le regard qu'on a pu porter sur la ville. Or, la piétonnisation, elle est absente du récit des villes. Pourtant, elle est tout aussi marquante des villes, en tout cas en Europe. Je pense que quand on voyage, en fait, on a plus de contact par les espaces piétonniers des villes qu'on visite que par les grands ensembles qui les entourent ou ce genre de choses. Elles sont très, très ces espaces sont très, très présents. Donc ça dit aussi peut-être quelque chose d'un regard que les historiens ont porté en se mettant dans les pas de l'État ou en tout cas en dépendant des archives de l'État. Or, la piétonnisation, l'État ne s'en saisit pas. Quand ça apparaît dans les années 50, 60, 70, l'État ne s'en saisit pas. Ce sont les pouvoirs locaux qui s'en saisissent. Donc c'est une histoire qui est un peu difficile à saisir pour l'historien parce que vous n'avez pas... Il y a plusieurs choses en fait qui empêchent de saisir ça. Il n'y a pas une ville paradigmatique comme Paris pour l'haussmannisation, j'allais dire Los Angeles pour les autoroutes urbaines, Chicago pour le gratte-ciel. Vous n'avez pas la capitale piétonne. Ça n'existe pas. Paris a essayé de l'être, comme Londres, dans les années 70. On oublie que Jacques Chirac, au début de son mandat, avait toute une politique sur les piétons. Mais voilà, il n'y a pas de ville capitale de la piétonisation. Donc, c'est assez dispersé et c'est assez anonyme parce que Paris, il y a assez peu de grands architectes qui se sont penchés là-dessus. C'est une histoire qui nous ramène en fait à l'histoire des sociétés urbaines. Ce que ça donne comme nouvel éclairage, c'est qu'à côté de... la ville moderne qui va être très critiquée, l'héritage des années 70, les grands ensembles, éventuellement aussi les lotissements, l'urbanisme moderne, l'urbanisme de dalle. Il y a aussi un autre imaginaire qui dit une autre histoire aussi de comment les sociétés urbaines ont traversé l'urbanisation après 1945 dans les années de croissance. C'est l'idée d'une urbanisation heureuse. C'est l'idée aussi d'une reprise en main de sa destinée, même si elle est symbolique. Les municipalités qui mènent les opérations de piétonnisation, c'est aussi celles qui vont valider des projets d'extension urbaine et de modernisation. Mais les maires, si je prends le cas de Rouen, par exemple, qui en France est reconnue comme étant la première ville qui a mené ce type de politique, on le voit dans les débats de l'époque, c'est une manière de dire l'État nous impose un certain nombre de transformations. On pourrait revenir sur le fait que l'État les impose absolument. La municipalité dit à ses habitants « reprenons le contrôle de nos villes », notamment par rapport à l'extension galopante de la ville. On va reprendre le contrôle de nos villes, on va refaire un récit commun autour de ça. » Dans cette histoire-là, effectivement, le cas rouennais est très intéressant parce que c'est une volonté municipale menée par un des conseillers, un adjoint au maire, c'était Bernard Canut. Au départ, à Rouen, en 1970, c'est un homme solitaire qui a dû remonter le courant. Je pense ahurissant que, alors qu'à l'étranger, il y a des dizaines de kilomètres de voies piétonnes dans toute l'Europe, n'importe quelle ville d'Allemagne, de Suède, etc., que ça a fait ses preuves partout, que c'est un succès partout, et que nous soyons encore appelés les uns les autres à Rouen, à droite et à gauche, au travers de la France entière, qu'on reçoit tous les mois des dizaines de gens qui viennent voir. Tous les responsables se donnent le vertige avec la décision de mettre 100 mètres en voie piétonne, alors qu'il n'y a aucun problème. Mais il n'y en a réellement aucun. Alors je trouve que c'est un peu humiliant, que vraiment on est un petit peu trop conservateur, et que vraiment il faudrait peut-être faire, j'allais dire, preuve d'un peu de courage. Il n'y a même pas besoin de faire de preuve de courage, on n'innove rien, on ne fait que faire ce que les autres ont fait avec succès. Et est-ce que vous pensez que vous pourriez appliquer, vous, votre recette de Rouen à Paris? Bien entendu, et au centuple, l'expérience de Saint-Séverin est absolument embryonnaire, ils ne l'ont pas poussé jusqu'au bout, ils l'ont fait du bout des doigts, les barrières à l'entrée des rues, c'est pas sérieux, les trottoirs qui subsistent toujours, c'est pas sérieux, enfin tout ça, c'est pas du boulot. Ah ben c'est pas du boulot, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'émission s'appelait La France défigurée, nous étions en 1973, Eric Alonso, en écho à ce qu'on vient d'entendre sur cette idée de piétonnisation. Ces années 1970, alors concrètement dans la ville, apparaît la séparation des fonctions. Et pour Paris, il y a les voies sur berge, enfin il y a l'idée d'autoroute urbaine. Et là, la notion de rue prend un tout autre sens. Mais il y a une vraie réflexion des pouvoirs municipaux souvent. Oui, ben là, on est vraiment effectivement dans ce décalage hein, entre ce qu'on disait tout à l'heure, entre le moment où on pense à ces séparations et le moment où on les met en œuvre. Et effectivement, en France, les périphériques, notamment les rocades, hein, se font beaucoup dans les années 70-80, au moment même où on prône le retour du cadre de vie, etc. Donc on a toujours cet écart entre le moment où on prend conscience des problèmes et le moment où on met en œuvre. Il y a toujours une inertie. Mais sur la rue, il y a peut-être un élément qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent dans ce retour de la rue, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement aussi il ne s'agit pas uniquement de questions de circulation. Il y a aussi une prise en compte de la valeur patrimoniale des centres anciens qui se fait à cette époque. Et les précurseurs sont probablement les architectes italiens, comme Saverio Muratori, qui, dès les années 50, publie des monographies sur Venise et sur Rome. C'est le moment où on découvre la valeur des villes anciennes, qui avait été vu comme démodé, dépassé quoi par la plupart des urbanistes au début du siècle, et là qui se trouve paré de beaucoup de vertus, notamment cette capacité à venir sédimenter le temps, à venir permettre la substitution. Dans une rue, on peut supprimer une maison, elle peut être démolie, rebâtie, étendue, etc., et finalement dans une certaine continuité, ce que ne permet pas la ville moderne. Et on découvre de cette manière-là cet ADN de la rue qui associe voirie et bâtiment, dans cette capacité à, qu'on pourrait appeler aujourd'hui d'un mot à la mode, cette capacité à assurer une certaine résilience de la ville. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce retour de la rue auquel on assiste à cette époque, au moment même où on fait les périphériques et les rocades. C'est un intérêt voilà pour la forme urbaine qu'organise la rue. Cédric Ferriel. Pour compléter, en fait, je pense que on peut faire aussi une différence entre l'histoire de l'urbanisme qui a tendance, par une entrée par les théories, à opposer des grands basculements, et l'histoire sociale et politique urbaine, qui, elle, va montrer en fait que la piétonnisation, elle n'est pas une fin, elle est souvent un moyen. Que le retour de la rue, c'est la même chose, c'est pas vraiment une fin en soi, c'est un moyen. Et c'est d'abord un moyen politique. Alors, vous avez donné l'exemple, le propos de Bernard Canus, il a construit sa propre légende en disant que c'est un peu, c'était dans le reportage, l'homme solitaire. Les archives disent l'inverse. J'ai cette formule pour caractériser, c'est que la piétonnisation, en fait, c'est le meilleur compromis possible. Elle prend la forme du meilleur compromis possible dans les années 70. En fait, elle n'est pas contre l'automobile. Elle concerne trois rues dans une agglomération, c'est rien. Alors certes, c'est les rues centrales, mais c'est rien. C'est la forme du meilleur compromis possible. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir, vous avez une sorte d'histoire assez longue dans les années 50, 60, 70, et qui continue jusqu'à aujourd'hui, dans lequel la thématique piétonne prend toujours la forme du meilleur compromis possible d'une société par rapport à ce type de thématique. Et il y a des moments d'éclairage politique très fort. Vous en avez un au début des années 70, dans lequel la piétonnisation est politisée. Elle est politisée au niveau national. Georges Pompidou va faire lors du salon de l'automobile de 1973, va défendre la piétonnisation des villes. C'est un des aspects qu'on connaît pas vraiment de la personnalité de Pompidou. C'est pas celui qui est mis plus en avant. Le maire de New York va vouloir piétoniser Manhattan, une grande partie du centre de Manhattan. Le maire de Munich piétonise le centre de la ville. À Paris, on a justement le projet Saint-Séverin, puis celui d'Elle. Et en fait, ce qui se joue derrière cette politisation, on le voit parce que l'OCDE même, l'OCDE qui n'a franchement pas grand-chose à voir normalement avec ce type de choses, se saisit de la question piétonne. La politisation intervient sur quelques années et ce qui est derrière ça, comme je dis, c'est un moyen. Le moyen, c'est de proposer un changement de société. De dire qu'en faisant ça, on change de société, et c'est une manière de dire qu'après les années de croissance au régime, on changeait de modèle de société par quelque chose qui était matériel, qu'on pouvait voir. C'est le maire de Besançon, Jean Mingeuse, disait il faut que les gens ont besoin de voir pour le croire. Et piétoniser, c'était une manière de dire on change le modèle de société, on n'est plus dans le développement à marche forcée. Un parallèle qu'on pourrait faire, c'est que il y a aussi un retour de la politisation de cette notion de piétonisation dans les années 2010, de manière très forte. Les projets d'Anne Hidalgo à Paris, mais il y a eu la même chose à New York à partir de 2009, à Barcelone, dans plein de villes. Derrière, il y a quand même tout un discours sur la fin. Alors la fin, c'est un discours politique. Autre chose que les années de la mondialisation à marche forcée. Donc il y a derrière pour moi quelque chose qui est un moyen politique de communication politique plutôt que qu'un véritable changement derrière. Toujours avec des tensions, hein, Éric Alonso. Pour finir, on peut dire ça, c'est que pour le cas de Paris, extrêmement contemporain, avec des choix qui sont faits, il y a des tensions. Mais l'histoire de l'urbanisme, l'histoire des fonctions qui doivent un petit peu se partager la place dans la ville, ne peut être que tension. Oui, c'est pour ça qu'existe l'urbanisme. C'est justement pour essayer de venir organiser et régler ces différents conflits, dont la rue et le théâtre. Voilà, et c'est un théâtre sublime. Vous avez eu raison de souligner combien l'espace, l'univers, les bâtiments, l'histoire est importante, avec cette idée que dès qu'il s'agit de piétonnisation, vu qu'on est sur le sujet, on parle plus tellement de rue, on parle de zone. C'est l'espace public. Il y a une rivalité entre la notion de rue et d'espace public, de zone piétonne. Alors, plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. La notion de zone piétonne, ça montre bien qu'on est dans l'urbanisme fonctionnaliste, en fait. Hein. Il y a une zone pour les piétons, et puis le reste de la ville, c'est une sorte de zonage, qui est typique du fonctionnalisme. Et la notion d'espace public, c'est encore autre chose. Dans les années 50, 60, 70, on parle de piétonisation. Après, on va basculer sur l'espace public. L'espace public, c'est autre chose. Il doit concerner la ville tout entière. Derrière, je parlais des normes. Au début de l'émission, je parlais de normes. Dans la notion d'urbanité d'espace public, c'est imposer... Il y a le bon et le mauvais piéton, en quelque sorte. Et dans la notion d'urbanité, c'est essayer de normer les comportements en ville autour d'un piéton idéalisé. Mais là, on va basculer sur une urbanité générale. Et ben c'est ça. À l'origine de l'urbanisme, il y a l'urbanité, le savoir vivre ensemble, connaître les usages. Et bien, pour avoir une lecture sur le temps très long de cette histoire de la rue, mais pas que, l'architecture de la voie, histoire et théorie, c'est votre ouvrage, Éric Alonso, chez Parenthèse. Et puis sinon, bah, pour ceux qui veulent bouquiner en marchant dans une zone piétonne, ou par exemple, La ville piétonne, une autre histoire urbaine du XXe siècle, c'est votre ouvrage aux éditions de la Sorbonne, Cédric Ferriel. Merci vraiment à vous deux, parce que c'est une histoire complexe et qui fait vraiment écho à des problèmes d'aujourd'hui. Et pour nous, le chemin continue, il nous conduit jusqu'à Gérard Noiriel. Bonjour monsieur, c'est le pourquoi du comment. Comment les homosexuels sont entrés dans l'espace public? Les pratiques homosexuelles sont une dimension des activités sociales qui traversent toute l'histoire de l'humanité. Ce qui a changé au cours du temps, ce sont d'une part les discours publics concernant ces pratiques et d'autre part les comportements de celles et ceux qui étaient directement concernés. Dans le cas français, c'est au début de la Troisième République que le mot « homosexuel » a été introduit dans le langage courant. Une petite recherche dans la grande presse montre que l'année 1907 a été un tournant. Entre le mois d'octobre et le mois de décembre, les journaux ont multiplié les articles pour rendre compte de deux affaires ayant défrayé la chronique en Allemagne. Le général Moltke et le prince von Bülow, deux proches de l'empereur Guillaume II, ayant été accusés d'homosexualité, le scandale fut présenté comme une affaire politique dont il fallait absolument informer le public français. Même si le mot « homosexuel » ne fut guère employé dans la grande presse avant la Seconde Guerre mondiale, le plus souvent pour parler de l'Allemagne, c'est à la belle époque que la question des relations sexuelles entre personnes du même sexe commença à s'installer dans l'actualité. La principale raison de cette visibilité nouvelle dans l'espace public tient au formidable développement de la littérature imprimée qui s'est produit au cours des dernières décennies du XIXe siècle. L'application des lois de Jules Ferry sur la liberté de la presse et sur l'école ayant provoqué une explosion du nombre des journaux, les entrepreneurs de morale disposèrent de multiples canaux pour diffuser dans le grand public des articles sur des faits divers ou sur des scandales impliquant des homosexuels. En dehors des journalistes, ce sont les médecins qui jouèrent le rôle principal dans les discours présentant l'homosexualité comme un problème. Le combat des dirigeants républicains en faveur de la laïcité contribua à affaiblir l'influence des prêcheurs catholiques, mais ils furent remplacés par des experts qui présentaient l'homosexualité comme une maladie ou une perversion. Même si cela n'a pas mis fin aux multiples discriminations que subissaient les homosexuels, il faut pourtant noter que, sur le plan du droit, la France se distinguait alors par une relative tolérance. La Révolution française ayant mis fin à la criminalisation des relations entre individus du même sexe, au début de la Troisième République, il semble que les lieux homosexuels n'aient pas été plus harcelés que les autres par la police. La Belle Époque fut aussi un moment important pour la libéralisation des mœurs, ce qui favorisa l'émergence de nouveaux espaces à vocation sexuelle. On estime qu'il existait alors à Paris une centaine d'établissements fréquentés par des homosexuels concentrés dans quelques quartiers de la capitale, notamment du côté de la Bourse et du faubourg Montmartre. Fait nouveau, un certain nombre de ces établissements étaient spécifiquement, voire même exclusivement, homosexuels. Ce fut sans doute le point de départ du processus qui permit aux homosexuels de se regrouper progressivement en communauté pour défendre publiquement leurs droits. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Bonjour Valérie Hanin. Bonjour Xavier. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire. Valérie, alors là, effectivement, je pense qu'on l'a tous ressenti, la mobilisation dans les arguments liés à la guerre à l'Ukraine, qui se rapporte à l'histoire de tous les côtés, d'où la nécessité de faire un dossier sur l'Ukraine. Et oui, c'est aussi une guerre d'historiens. Lorsque le 24 février 2022, Poutine a déclenché son opération spéciale contre l'Ukraine, la guerre a commencé, la guerre est revenue, la guerre interétatique est revenue en Europe, et les historiens aussi ont été très concernés. Nous avons bouclé ce dossier au 300e jour de la guerre, fin décembre, et on s'était demandé si c'était ce que les historiens avaient à dire au plus chaud de l'événement, et en fait, en puisant dans le temps long, vous le savez bien Xavier, les historiens peuvent éclairer un peu le brouillard de la guerre, dirait Clausewitz. Alors, sur quel thème on s'est concentré? Bien sûr, beaucoup de cartes, beaucoup d'opérations, mais si je choisis la nature de la guerre d'abord, essayer de percevoir ce qui est continuité, ce qui est nouveau. Ce qui est continuité, les tranchées, les chars, même s'ils sont de plus en plus blindés, les obus. Ce qui est nouveau, ce qui est continuité, aussi la guerre, la terrible guerre urbaine. On sait depuis Stalingrad qu'une guerre, une ville peut être martyre. Hein. Vous avez parlé de la ville. La ville, c'est aussi les villes martyres, Mariupol, Bakhmout. Mais la ville martyre qui ne se rend pas si facilement et qui est très coûteuse pour l'agresseur aussi. La nouveauté, c'est... Alors, il y en a beaucoup. Cyberguerre, drone. Et puis, ces manpads, ces armes portatives avec lesquelles on peut abattre un char ou un avion. C'est-à-dire que c'est quand même rien de moins que la fin de la supériorité de la guerre aérienne qui régnait depuis la Deuxième Guerre mondiale à peu près. Alors, les Russes et leur armée, on est tous surpris par les faiblesses, la vision des soldats russes paralysés dans leurs chars, en plein dégel en mars dernier, pendant qu'ils étaient entourés de forces mobiles, avec une tactique, un génie tactique des Ukrainiens, tout dressé pour défendre leur capitale, qui ne sera pas prise. Mais cette armée, Sabine Dulin nous raconte comment cette armée est à la fois une très grande armée, très puissante, très nombreuse, duale, où on voit le high-tech côtoyer les bandes moltières, comme il le rappelle, et où la maltraitance sert parfois de formation. Et puis, il y a bien sûr les violences contre les civils. Hein, le droit, on est très frappé par ça, mais au fond, là, en reprenant de la profondeur, on voit comment depuis 150 ans, le droit d'un côté cherche à circonscrire la guerre sur le front du côté des soldats, et d'un autre côté, les civils qui, depuis le début du XXe siècle, ne cessent d'être de plus en plus enrôlés et martyrisés par la guerre. Et Masha Serovitch démontre bien ça. Et aussi, on se demande pourquoi les Russes, s'il y a une politique de la violence spécifique du côté des Russes, bon, avec tout un procès qui est mis en cause. Et puis les historiens, vous le dites Xavier, Nicolas Vert nous dit, cette guerre est aussi une guerre d'historiens, Poutine est un falsificateur de l'histoire, et Nicolas Vert s'emploie à déjouer dans ce dossier les mensonges, hein, le rapport de l'Ukraine et des nazis, enfin tout ça, on aborde ça et on essaie de le démêler avec les meilleurs spécialistes. Et vous le faites très bien, Valérie. C'est vrai que Ukraine, question au pluriel, évidemment, d'histoire sur le retour de la guerre en Europe, c'est une nécessité pour comprendre tout ce qui est transmis dans l'actualité par les discours des belligérants, notamment. C'est une histoire sur le temps long. Merci vivement, Valérie. Merci, l'histoire Valérie. À retrouver en kiosque. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Une émission préparée, même la rue, par Jeanne Delecroix, Toscane Viudel, Jeanne Copet, Violette Ruiz, Maïwen Guizhou et Gillian Tilly. Merci aussi beaucoup à Sabine Dahuron de l'INA. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.